Allons les Morvandos, chantons la Morvandelle, chantons les clairs eaux et la forêt si belle. La truite au bon léger dans les roseaux fleuris, et notre amour flottant qui vogue vers Paris. Il souffle un âpre vent parmi nos solitudes, on dit que le Morvan est un pays bien rude. Et s'il est pauvre et fier, il nous plaît mieux ainsi, et qui n'aime pas n'est certes pas d'ici. On veut la liberté dans nos montagnes noires. Nos pères ont lutté pour elle et non sans gloire. Veur de coup d'état, César de quatre sous, les braves Morvandos se manquent bien de vous. Jadis on nous l'a dit, surgirent nos ancêtres, brisant les joues maudits de leurs habits de maîtres. Ils firent bien danser les moines leurs seigneurs, repus de leur misère et gras de leur sueur. Pourtant nous subissons un reste d'esclavage, pourquoi les nourrissons privés du cher breuvage? Gardons, mes amis, nos femmes près de nous, nos filles et nos fils sont droits à leur genou. Allons les Morvandios, chantons la Morvandelle, les bois, les prés, les eaux, aimés d'un cœur fidèle. Nos bûches qui s'en vont, Paris s'en chauffera, nos gaz et leurs mamans, Paris s'en passera.